prendre ta veste aussi. Ah, c'est moi. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, pardon, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 juillet, nous souhaitons une bonne fête au Frédéric. Ça vient du germanique, pouvoir de la paix. Frédéric est un homme viril, actif et entreprenant qui apparaît souvent distant et réservé. En fait, méfiant et inquiet, il n'aime pas se livrer au premier venu. Mais une fois rassuré, il se révèle franc, direct et sincère. Ses sentiments sont solides, il n'aime guère les relations superficielles et de surcroît le sens du devoir. La liberté est chère à ses yeux. Indépendant, rétif aux contraintes extérieures, il est capable de se remettre en question en prenant des risques calculés. Pourtant, il a besoin de sécurité et de stabilité et se montre parfois partagé entre son désir de possession, qui le pousse à conserver ses acquis, et cette tendance à la conquête. Mais il a aussi des facultés d'adaptation qui lui permettent de se lancer sans trop d'angoisse. C'est un grand nerveux qui a besoin d'action pour employer ce trop-plein d'énergie. Cela se manifeste souvent par une grande mobilité et adaptabilité, soit par l'exercice d'un sport, soit par de nombreux voyages ou par une capacité de travail importante. Si Frédéric est un homme d'action, il est aussi capable de réfréner ses engouements et ses impulsions. Enfin, volonté et autorité le caractérisent, ce qui lui confère un certain charisme. Dicton du jour, à la Saint-Frédéric, tout est vert, tout est nid, plantes, bêtes et gens, tout sourit. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Et en Uruguay, c'est le serment de la Constitution, puisque dans les événements qui se sont déroulés un 18 juillet, en 1830, avait lieu la première Constitution de l'Uruguay. Allez, tout de suite, on va marquer notre première pause musicale avec la chanteuse La Grande Sophie et son titre « Du courage ». J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage, du courage, du courage. De soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage. Forêt, que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux. J'en ai trouvé, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage. Du courage. La grande Sophie, du courage sur RGM. Un peu plus de 8h36, on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 18 juillet. 1938, naissance de Paul Verhoeven, réalisateur néerlandais à qui l'on doit Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Elle, récompensé par le César du meilleur film. 1940, naissance de James Brolin, acteur américain vu dans Amityville, La Maison du Diable, dans le rôle de George Lutz, Arrête-moi si tu peux, dans le rôle de Jack Barnes, Burlesque, la série télé Marcus Welby, MD, dans le rôle du docteur Stephen Cayley, Monk, Castle, et depuis 2015, il joue dans la série Life in Pieces, dans le rôle de John Short. 1947, naissance de Steve Forbes, rédacteur en chef du magazine économique qui porte son nom, ainsi que PDG de la maison d'édition Forbes Inc. 1950, naissance de Richard Branson, célèbre homme d'affaires britannique. 1961, naissance d'Elizabeth McGovern, actrice américaine, vue dans Des gens comme les autres, Ragtime, dans le rôle d'Evelyn Nesbitt, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Il était une fois en Amérique, Le Choc des Titans, dans le rôle de Marmara, Kick-Ass, la série d'Autumn Abbey, dans le rôle de Cora Crowley, comtesse de Grantham, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans le film d'Autumn Abbey, ça devrait s'appeler comme ça, sortie prévue pour le mois de septembre. 1967, naissance de Vin Diesel, acteur-producteur américain. Connu pour son rôle du soldat de première classe Adrian Carpazzo dans Il faut sauver le soldat Ryan, son rôle de Dominique Toretto dans Fast and Furious, Fast and Furious Tokyo Drift et Fast and Furious 4, 5, 6, 7 et 8, ainsi que Fast and Furious 9, actuellement en tournage et sortie prévue pour l'année prochaine. Connu également pour son rôle de Xander Cage dans Triple X et Triple X Reactivated, vu dans les chroniques de Riddick et Riddick dans le rôle de Richard B. Riddick, vu également dans Babysitter Babylon AD. Il sera normalement à l'affiche du film Avatar 2, si enfin on voit la sortie de ce film tant attendu, bon, normalement 2021. Il est la voix originale du personnage de Groot dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Producteur de Triple X, des chroniques de Riddick, de Fast and Furious 4, 5, 6, 7, 8 et 9, de Riddick et de Triple X Reactivated. 1969, naissance de la grande Sophie, chanteuse française. 1972, naissance de Titoff, acteur humoriste français, vu dans Gomez et Tavares, ainsi que la suite Gomez versus Tavares dans le rôle du lieutenant Max Tavares, vu également dans le film L'Incruste dans le rôle de Paul, la série télé Vive la Colo dans le rôle de Loïc ainsi que Nos chers voisins, et il a participé à la saison 4 de Danse avec les stars. 1976, naissance d'Elsa Pataky, actrice espagnole, vue dans Is No Good dans le rôle de Pretty Woman. Dans Fast and Furious 5, 6, 7 et 8, dans le rôle d'Elena Neves, et vue dans la série télé Tessa à la pointe de l'épée, dans le rôle de Vera Hidalgo. 1978, naissance de Mélissa Theuriot, journaliste française. 1980, naissance de Kristen Bell, actrice américaine, vue au cinéma dans Burlesque, Bad Moms 1 et 2, dans le rôle de Kiki. On la connaît surtout pour son rôle de Veronica Mars dans la série du même nom, ainsi que dans le film qui est sorti il y a quelques années. Elle est apparue dans 12 épisodes de la série Heroes dans le rôle d'Ella Bishop. Elle a été la narratrice de la célèbre série Gossip Girl et vue également dans la série House of Lies. 1982, naissance de Priyanka Chopra, actrice mannequin philanthrope indienne qui fut Miss Monde 2000. Elle s'est reconvertie donc depuis en tant qu'actrice. Elle est connue pour son rôle d'Alex Parrish dans la série à succès Quantico. Elle est apparue il y a quelques temps dans Baywatch, Alerte à Malibu, dans le rôle de Victoria. Victoria Leeds. 1985, naissance de Chase Crawford, acteur américain, vu au cinéma dans Le Pacte du Sang, 12, mais surtout connu pour son rôle de Nate Archibald dans la série télé Gossip Girl et vu également dans Les Griffins ou encore Glee. 1986, naissance de Simon Clark, cycliste australien qui fut champion d'Australie de l'Américaine en 2006. Il a remporté le classement de la montagne du Tour d'Espagne 2012 et il a remporté deux étapes dans un grand tour, c'était sur le Tour d'Espagne. 1993, naissance de Nabil Fekir, footballeur français, professionnel depuis 2013 et depuis cette époque il joue à l'Olympique Lyonnais. Et champion du monde 2018. En 1892, décédé Thomas Cook, homme d'affaires britannique, pionnier des voyages organisés, fondateur du groupe touristique qui porte son nom. En 1973, décédé Jack Hawkins, acteur britannique, vu dans La Terre des Pharaons, Le Pont de la Rivière Kwai dans le rôle du Major Warden, Ben Hur dans le rôle de Quintus Arius ou encore Laurence d'Arabie dans le rôle du général Lord Edmund Allenby. Allez, tout de suite, on va marquer une nouvelle pause et je vous ai choisi Soprano avec son titre Cosmo. De Soprano sur le 107FM. Il est presque 8h45, on fait un point sur la météo. La météo. Alors pour le moment ce sera ensoleillé, mais des gouttes de pluie sont peut-être à prévoir pour cet après-midi. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 26 et 28 degrés prévues pour cet après-midi. Vendredi, soleil et nuages, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés prévues pour vendredi après-midi. Samedi sera une journée ensoleillée avec des orages à prévoir pour samedi après-midi, des températures comprises entre 18 et 19 degrés le matin, entre 29 et 30 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence bien évidemment avec le Tour de France. Hier, c'était la 11e étape entre Albi et Toulouse. À noter que Rick Zabel, malade, a été non partant. C'est le 6e cycliste à abandonner le Tour de France. C'était une arrivée donc à Toulouse au sprint, remportée par Caleb Ewan devant Groenewegen, Viviani ou encore Peter Sagan. Premier français, c'est Warren Barguil qui s'est classé 10e. Julien Alaphilippe, lui, s'est classé 17e. Romain Bardet, 24e. Et Thibaut Pinot, 31e. Aujourd'hui, 12e étape entre Toulouse et Bagnères de Bigorre. Ça va grimper, c'est une étape de montagne de 209,5 km. Au kilomètre 62,5, il y aura une côte de 4e catégorie. Au kilomètre 130,5, un sprint intermédiaire. Au kilomètre 146, un col de 1ère catégorie. Au kilomètre 179, il faudra gravir Ourquette d'Anquizone de 1ère catégorie. Voilà pour le Tour de France aujourd'hui. On parle maintenant tennis avec le tournoi de Newport et la qualification d'Humbert en 2-7 face à Ramanathan, 7-6, 6-0 et l'élimination de Manarino en 2-7 face à Sandgren, 6-4, 6-1. Pas de français sur les cours aujourd'hui. À Bastad, Jérémy Chardy s'est qualifié en 2-7 face à Garin, 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Richard Gasquet se reposait à Novak. Et au tournoi de Lausanne, Alizé Cornet s'est qualifiée en 2-7 face à Paolini, 6-1, 6-1. En revanche, Caroline Garcia s'est inclinée en 2-7 face à Perra, 6-2, 6-4. Aujourd'hui, Ferro affrontera Buzarnescu. Voilà donc pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. C'est un tube de l'été, comme depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, on remonte en 2005 avec Paul Kless et le titre Suavemente. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez. Suave. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Besame. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto. Desde el rico sueño, que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Suave. Bésame, bésame, suave. Bésame otra vez. Que quiero sentir tus labios suave. Besándome otra vez. Suave. Besa, besa, suave. Bésame un poquito. Suave. Besa, besa, besa, besa. Suave. Bésame otro ratito. Kiss me softly, you're all that I need. Tonight I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you to the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. Just slow it down, don't change, don't hurry no. Let me feel your soul, kiss me a little bit. Suavemente, this how I need it. Alright, okay. Bobby, Bobby, move it slowly. Alright, okay. Bésame. Suavemente, bésame. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Suave. Bésame otra vez, quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Suave, are you ready for a little treat? I want your heart in a dream. Suave, boy, can you fall for my knees? I will kiss you soft and sweet. Suave, can you hit the brakes and don't speed? I will do whatever you need. I will kiss you all night long. Suave, suavemente, bésame.